Crève, fucker! Ah! Grogna Hans en dégringolant le long de la façade avec une rapidité vertigineuse. Le zipline crissait sous son poids, tandis qu'il dévalait étage après étage la UO Hugs Pharma dans une pluie d'éclats de vitres. Le mousqueton tirait sur sa ceinture, menaçant de lui casser le dos. Le béton se rapprochait à une vitesse meurtrière. À la dernière seconde, Hans se débattit avec le frein, l'actionna, évita de s'écraser complètement. Le ciel s'était couvert de nuages lourds. Des coups de feu résonnaient plus bas. Déjà réfugié derrière un conteneur, Ruby criblait de balles l'autre bout de la ruelle, râlant de colère en crachant du plomb. Dans son autre main, elle tenait le sac de nylon, avec la tête coupée, des gouttelettes de sang dégoulinant sur l'asphalte. Une fois parvenue derrière elle, de peine et de misère, Anne se douta qu'il y avait vraiment des gardes là-bas. Se demanda si sa complice hallucinait complètement, la cervelle grillée par la V. « Tout va bien », rassura X dans leur oreillette. « La diversion a fonctionné. La moitié du SOM est à l'autre bout de la ville. J'ai réussi à brouiller les communications de la pharma assez longtemps pour vous donner du jeu. Prenez le boulevard Wellington et vous serez correct. » « Ça va ?» demanda Ruby, se tournant vers Hans. Mais ce dernier ne réussit pas à répondre. Les yeux de Ruby étaient du même rouge que ses lèvres, celui du sang séché. Les vaisseaux sanguins éclatés, les iris noirs tant les pupilles étaient dilatées. Les mèches étaient collées sur son front, couvert de sueur, son souffle rauque, sa poitrine se soulevant et s'abaissant péniblement. « Allez !» lança Hans en l'épaulant. « Par ici !» Ils jaillirent hors de la ruelle sur le boulevard Atwater, parmi les passants, les hommes d'affaires et les taxis. Avant d'être reconnus, les deux se précipitèrent dans une voiture beige, volée 3 jours plus tôt, et stationnée là. Ruby saisit le volant. Elle balança le sac sanglant et le MC-10 à Hans avant de prendre une autre dose de V. « Recharge-moi !» demanda-t-elle en pesant sur l'accélérateur. La tête sectionnée entre les cuisses, Hans replaça le dernier chargeur, de peine et de misère, ses mains tremblant dangereusement. « Shit !» éclata soudainement X. « Shit, shit !»« Quoi ?» cria Ruby. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Une autopatrouille arrive vers vous !» précisa X. « C'est la Hope Sec !»« Comment ils ont fait pour nous trouver ?» demanda Hans, paniqué. « Brouille leur signal, hostie !» ordonna Ruby. « Maintenant !»« Je sais !» s'empressa X. « Attachez vos tuques !» Et c'est à ce moment que Ruby et Hans l'aperçurent, avec les lumières bleutées de ses gyrophares. L'autopatrouille noire de la Hope Sec au loin, crevant l'horizon grisâtre comme un oiseau de proie, filant droit sur eux. Le cœur de Hans fit 3 tours. Ruby se mordit une lèvre, écrasa la pédale de sa botte à cap. Le moteur gronda, catapultant la voiture à travers le boulevard. La fenêtre côté conducteur s'ouvrit subitement, faisant entrer une bouffée d'air vicié du centre-ville. « Break !» supplia Hans. L'autopatrouille fonçait comme une torpille avec ses reflets indigo. « Tiens le volant !» jappa Ruby en saisissant son MC-10 maintenant chargé. « Quoi ?» s'écria Hans. « T'es folle !» Mais avant que ce dernier ne puisse réagir, Ruby passait déjà la tête par la fenêtre avec la mitraillette et faisait feu. Le tonnerre assourdissant du MC-10 se mêla au crissement des pneus. La voiture avait déjà commencé à dérailler quand Hans s'abattit à 2 mains sur le volant. Ruby hurla entre 2 salves déchirantes. « Crève, fucker !»